إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذه الكلمة التي نسأله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا، كما نسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل بهذا العلم، وأن يتقبل منا جميعا. وبعد، فنواصل قراءتنا بحول الله جل وعلا في كتاب التوحيد للإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب جديد. Donc on va continuer inshallah sur l'explication de Kitab al-Tawhid du grand imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Et donc on est arrivé à l'explication d'un nouveau chapitre, donc à l'étude d'un nouveau chapitre. Donc on avait terminé dans la dernière allocution le chapitre précédent qui était concernant l'appel du prophète alayhi salatu wassalam au dogme pur, au monothéisme et à l'unicité pure. Et donc dans ce chapitre, l'imam al-Bukhari avait mentionné des récits du prophète alayhi salatu wassalam, donc des hadiths authentiques montrant et illustrant ici le monothéisme dont le prophète alayhi salatu wassalam, celui que le prophète enseignait à ses compagnons, et ce monothéisme pur qu'a prêché le prophète alayhi salatu wassalam toutes ces années, toutes ces années qu'il a passées, que ce soit à la Mecque ou bien que ce soit à Médine. C'est pour cela qu'il faut faire la distinction entre ces deux périodes. Il y a la période mécoise, il y a la période médinoise. La période mécoise qui a duré à peu près 13 ans, 13 années, et puis la période médinoise qui a duré à peu près une dizaine d'années. Donc vous avez vu, donc la révélation, l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam, la prédication du prophète, son appel, a duré plus de 20 ans, à peu près 23 années. Pendant 23 ans, le prophète, alayhi salatu wassalam, donc s'est forcé d'enseigner aux gens le dogme pur, comment adorer Allah véritablement, et comme Allah Jalla wa Ala lui a révélé et lui a enseigné de l'adorer. Et puis donc, c'est pour cela que dans ce chapitre, c'est un chapitre qui était énorme, énorme de sens et très important, du fait donc qu'on a appris un hadith qui était une immense nouvelle pour les croyants, le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour qu'il était avec son compagnon Mu'ad ibn Jabal, il lui dit: connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah Jalla wa Ala? Et là, il lui dit que le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans lui donner d'associés. Et leur droit sur Allah, c'est qu'il ne les châtie pas. Et donc, on avait dit que ça, c'était une immense nouvelle, du fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous informe que celui qui adore Allah Jalla wa Ala véritablement, et qui lui voue un culte pur et exclusif, qui pratique cette unicité donc qu'on est en train d'étudier, et dont le prophète alayhi salatu wassalam appelait à cette unicité pendant toute cette période de la prophétie, celui qui pratique cela comme il se doit, qui réalise cela, et comme on a dit précédemment, c'est le but et l'objectif de notre création, du fait qu'Allah Jalla wa Ala nous a créés, c'est le but de notre vie dans cette vie d'ici-bas, dans cette vie qui est un passage pour nous, cette vie éphémère, qui est un passage, et qui ensuite laissera place à une vie qui est éternelle et dont il n'y aura plus de temps. Et c'est pour ça qu'on avait dit que ce hadith qu'a mentionné l'imam al-Bukhari, c'était très très judicieux et pertinent qu'il mentionne ce hadith dans ce chapitre, le fait que c'est une nouvelle qui est immense, le fait que celui qui unifie Allah Jalla wa Ala dans son adoration, dans son culte, ça c'est le droit du Seigneur, Et le droit du serviteur envers son seigneur, c'est qu'Allah Jalla le châtie point. Ensuite, l'imam al-Bukhari avait mentionné des hadiths concernant l'immensité, la grandeur de la sourate Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc cette sourate qui est célèbre, et cette petite sourate, malgré qu'elle soit petite, hein, avec un nombre restreint de versets, eh ben cette sourate, on a appris à travers ces hadiths qu'elle représente, qu'elle est équivalente au tiers du Coran, au tiers du Coran. On avait expliqué ça, et c'est pour ça que c'est très pertinent et judicieux. Ce n'est pas en vain. L'imam al-Bukhari, comme on a dit, l'auteur de ce livre authentique, de ce recueil de hadiths, de récits du prophète, alayhi salat wa salam, était une personne qui était très intelligente. Et ce n'est pas en vain qu'il a mentionné ces hadiths, relatant l'immensité, la grandeur de cette sourate, Qul huwallahu ahad, la sourate qui est nommée la sourate de Al-Ikhlas. Ce n'est pas en vain qu'il a mentionné cela, et ces hadiths-là, dans ce chapitre-là. Pourquoi? Parce que elle renferme, comme on a dit précédemment, le dogme pur et le monothéisme pur. Et donc maintenant, on va étudier un nouveau chapitre avec par la grâce d'Allah. Et dans ce nouveau chapitre, après qu'on a étudié ces hadiths qui ont précédé, alors l'imam al-Bukhari dit chapitre concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'intitulé de ce chapitre sera un verset du Coran. Donc on avait dit, c'est le verset 110 de la sourate Al-Isra. Et Allah, dans ce verset, dit: Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna. Donc, dans ce verset, une traduction relative, Allah Jalla wa'ala dit: Dis, donc il s'adresse au prophète en lui disant: Dis. Donc, c'est un impératif, comme on avait dit dans des allocutions précédentes. Donc, Allah dit au prophète: Dis. Invoquer Allah ou bien invoquer le miséricordieux, quel qu'il soit, celui dont vous invoquez, à lui appartient les plus beaux noms, les noms sublimes. Et donc, après avoir mentionné ce verset, en tant que intitulé et titre de ce chapitre, l'imam al-Bukhari maintenant va nous citer un hadith du prophète, alayhi salatu wa salam. Et dit: Haddathana Muhammad, akhbarana Abu Muawiya, عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس لا يرحم الله من لا يرحم الناس. Et dans ce hadith, donc traduction relative du récit, l'imam al-Bukhari nous rapporte donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, bien sûr après avoir mentionné la chaîne de transmission qui a été cité, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est le hadith de Jarir ibn Abdillah, le célèbre compagnon Jarir ibn Abdillah, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La yarhamullah man la yarhamun nas. Allah ne fera pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux gens. Et donc là, on comprend que là, l'imam al-Bukhari va nous parler de cet attribut d'Allah Jalla wa'ala qui est immense, qui est la miséricorde d'Allah Jalla wa'ala. Et il va nous enseigner dans ce chapitre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le miséricordieux. Et pour mieux comprendre ce chapitre et ce sujet, donc il nous faut comprendre le verset. Le verset 110 de la sourate Al-Isra, qu'a mentionné ici l'imam al-Bukhari en tant qu'intitulé et titre de ce chapitre. Donc dans ce verset, Allah Jalla wa'ala, une traduction relative du verset, Allah dit, comme on l'a traduit dans ce qui a précédé, Allah dit qu'ils invoquent Allah ou bien le miséricordieux. Qu'ils sachent, donc Allah nous informe dans ce verset que à lui appartient les plus beaux noms. Et pour comprendre ce verset, donc, ce verset est descendu, donc il y a une histoire, c'est pour ça qu'on a dit pour comprendre le Coran, que ce soit les sourates ou les versets qu'il y a dans le Coran, pour comprendre l'explication et l'exégèse, il faut comprendre que ces versets ont des contextes, que les sourates du Coran, il y a un contexte, il y a des causes pour lesquelles ces versets sont descendus, ou bien des sourates sont descendues. Et entre autres, et c'est en l'occurrence, ce verset est descendu à l'époque, alors que des Quraïchites, des polythéistes arabes à l'époque, qui faisaient partie du clan du prophète, alayhi salatu wassalam, avait entendu le prophète sallam invoquer Allah en l'appelant le miséricordieux. Donc le prophète sallam, un jour il est rapporté qu'il a invoqué Allah, et le prophète disait: Ya Allah, Ya Rahman, ô toi Allah, ô toi le tout miséricordieux. Une traduction relative. Et donc vous avez vu qu'il est permis d'invoquer Allah Jalla wa Ala par ses plus beaux noms. C'est pour ça qu'Allah dit: Walillahil asma al husna fad'uhu biha. Dans un verset, Allah nous dit: et à Allah appartient les plus beaux noms, les noms sublimes, sublimissimes, invoquez-le par ses plus beaux noms. Donc il nous est légiféré que lorsque, et ça fait partie du comportement à adopter lorsqu'on invoque Allah et on l'implore, lorsqu'on lui demande, eh ben de l'implorer par ses plus beaux noms, par ses noms. Donc Allah Jalla wa Ala, parmi ses noms, il y a Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Jabbar et d'autres noms. Donc on peut l'invoquer par ses noms. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'il a invoqué Allah Jalla wa Ala par son nom Ar-Rahman. Surtout lorsque l'invocation est liée avec le nom. Par exemple, si une personne, par exemple, implore l'absolution de ses péchés et demande qu'Allah Jalla wa Ala lui pardonne ses péchés. Donc, il est bon d'invoquer Allah Jalla wa Ala en mentionnant ces noms qui dénotent le pardon. Par exemple, le miséricordieux, l'invoquer par le miséricordieux, ô toi le miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ou bien l'invoquer par des noms où Allah Jalla wa Ala dit qu'il est le grand pardonneur, par exemple, Al-Ghafour ou Al-Ghaffar, qui fait partie des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc demander l'absolution de nos péchés, qu'Allah nous pardonne nos péchés, il est bon méritoire de invoquer Allah Jalla wa Ala en utilisant ses noms. Ses noms comme ô toi le grand pardonneur, celui qui fait miséricorde, celui qui pardonne, pardonne-moi mes péchés, fais-moi absolution de mes fautes. Donc ça fait partie du comportement lorsqu'on invoque Allah Jalla wa Ala pendant l'invocation. Et donc là, le prophète, en somme, il est rapporté dans ce récit, dans cette histoire, qu'un jour il invoquait Allah et il disait: ô toi Allah, ô toi le miséricordieux. Et un homme l'a entendu parmi les polythéistes, un homme l'a entendu. Et ensuite l'homme a dit: regardez, Mohammed, il nous dit d'adorer un Seigneur unique et il nous interdit donc de lui donner des associés. Donc vous avez vu à l'époque, les polythéistes arabes avaient très bien compris. Ils avaient très bien compris le message du prophète. Mais beaucoup d'entre eux avaient refusé à cause de leur orgueil. Et il dit: alors regardez, le prophète sallam nous invite à adorer un Seigneur unique, et lui, alors, il invoque deux divinités, deux seigneurs. Il dit: ô Allah, et il dit: ô le tout miséricordieux. Comme on avait dit dans des allocutions précédentes, on avait dit que les polythéistes reconnaissaient Allah Jalla wa Ala, en tant que créateur et seigneur. Ils reconnaissaient la majorité, comme on avait dit, des particularités de la seigneurie d'Allah. C'est-à-dire, eux savaient qu'Allah était le créateur. Sauf qu'ils adoraient, en dehors d'Allah et avec Allah, des divinités. Et donc, ils associaient Allah à des divinités. Et donc, c'était des idolâtres. Pour cela, Allah Jalla wa Ala a envoyé le prophète, alayhi salatu wa salam. Et eux, donc, ils ne connaissaient pas Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et pour eux, ils ne reconnaissaient pas que cela faisait partie des noms d'Allah, sublime. Pour eux, Allah s'appelait Allah. Et ils ne savaient pas que Ar-Rahman, c'était Allah. Et c'est pour cela que cet homme, ensuite, alors, il dit: regardez, Mohammed invoque Allah et invoque un autre aussi, qu'il appelle le tout miséricordieux. Il dit: ô Allah, ô toi le tout miséricordieux. Et c'est là qu'il est rapporté que Allah Jalla wa Ala a fait descendre ce verset. Et il a dit: dis-leur, dis, si vous invoquez Allah, ou bien que vous invoquiez le tout miséricordieux, quel qu'il soit, celui dont vous invoquez, à Allah appartient les plus beaux noms. Et là, on comprend pourquoi. Parce que le tout miséricordieux fait partie des noms d'Allah. Ar-Rahman fait partie des noms d'Allah. Ay, c'est-à-dire que ce sens-là, le sens plutôt du verset, veut dire: Oud'u rabbakum bi-ismillah. Ou bi ismi ar-Rahman. Wa qawluhu ud'u Allah, ah oui, ud'u ar-Rahman, laysa ma'na anna hunaka man yusamma billah wa man yusamma bi ar-Rahman, walakin al-ma'na ud'u Allah. باسم الله أو باسم الرحمن، وهذا معنى الآية، يعني قولوا يا الله وقولوا يا الرحمن. Donc lorsqu'Allah dit invoquez Allah ou bien invoquez tout le miséricordieux, pourquoi? Parce que comme on a dit précédemment, Allah, comme il nous l'informe, a les plus beaux noms, et Ar-Rahman, le tout miséricordieux, fait partie de ses plus beaux noms. Donc ici, Allah Jalla wa Ala nous enseigne dans ce verset que cet homme, ce polythéiste, sa compréhension était fausse et erronée du fait que le tout miséricordieux, c'est Allah. Et c'est pour cela qu'il ne fallait pas comprendre de cela que Allah était le créateur et Ar-Rahman était un autre. Mais Ar-Rahman, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le sens lorsqu'on dit qu'Allah, Jalla wa Ala, détient les plus beaux noms. C'est pour ça que le prophète, sallam, nous a enseigné dans un hadith que Allah, Jalla wa Ala, nous a enseigné 99 noms. Allah a 99 noms qu'il nous a enseignés. Par contre, il en a d'autres. Il en a d'autres qui sont tenus secrets, dont on n'en a pas la connaissance. Nous, ces noms-là, dont on en a la connaissance, sont au nombre de 99, qu'on retrouve aussi bien dans le Coran que dans la sunna authentique de notre prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc on apprend à travers ce verset et le récit, donc il est permis d'invoquer Allah, voire même méritoire et bon, recommandé, d'implorer Allah par ses plus beaux noms. On recherche la miséricorde d'Allah, on implore Allah en l'appelant ô toi le tout miséricordieux, fais-moi miséricorde. Donc Allah Jalla wa Ala, dans ce verset, il réfute ici la compréhension de ces polythéistes. Et c'était célèbre à l'époque, les polythéistes arabes, ils cherchaient toujours à contrecarrer, à contredire le prophète et les croyants à l'époque. Et ça, c'était célèbre. Et ça a toujours été, à chaque époque, jusqu'à aujourd'hui, même Allah Jalla wa Ala dit qu'on entendra de la part des antagonistes de la religion toujours des paroles portant préjudice, des torts. Et ils essaieront toujours de trouver des choses pour remettre en cause la véracité du message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mais dans d'autres versets et dans d'autres textes, Allah Jalla wa Ala nous dit que quoi qu'il arrive, quoi qu'ils essaient de faire, quoi qu'ils disent, de toute manière, Allah Jalla wa Ala dit qu'il va parachever sa lumière et cette religion-là. Elle sera parachevée et quoi qu'ils puissent dire, ses détracteurs, ou bien quoi qu'ils puissent faire, Allah Jalla wa Ala parachevera sa religion de toute manière et son message se propagera. Et c'est bien et bien ce qui s'est produit. Le message du prophète, malgré que les gens essaient de le contredire, essayer de trouver des contradictions dans le message du prophète, mais comme c'était la vérité, et comme le message du prophète était clair, et la révélation, le Coran était clair, et la sunna, la tradition prophétique était claire, alors ensuite elle s'est propagée, aussi bien dans la péninsule arabique, aussi bien ensuite elle s'est propagée dans tous les continents du monde entier. Et ça, c'est l'un des signes prouvant la véracité du message du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il était un prophète envoyé d'Allah, messager d'Allah. C'est pour cela qu'on voit, regardez, 14 siècles après, le message du prophète, alayhi salatu wassalam, est toujours présent. La religion ne fait que se propager, gagner du terrain, rentrer, elle ne fait que rentrer dans les cœurs des gens même qui étaient ennemis, hein, des grands ennemis et antagonistes, hein, qui avaient de l'animosité et de la haine envers l'islam et les musulmans. On voit que même beaucoup d'entre eux, l'islam a pénétré leur cœur. Combien de gens se sont convertis lorsqu'ils ont pris vraiment connaissance du Coran et de la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. C'est pour ça que celui qui médite et lit le Coran, il verra que tout est clair. Les versets sont clairs, le contexte de la descente de ces versets sont claires, l'explication est claire, la compréhension est claire. Le prophète ensemble nous dit dans un hadith qu'il nous a laissé sur une blancheur de nuit comme de jour. Taraktukum ala bayda, laylaha kanahariha la yazu anha illa halik. Le prophète ensemble nous dit, je vous ai laissé dans une blancheur de nuit comme de jour, nul ne pourra s'égarer si ce n'est une personne qui est vouée à l'égarement, qui a un goût à l'errance. Une traduction relative du sens du hadith du prophète, alayhi salatu wa salam. Et donc regardez, Ce polythéiste, donc, avait fait cette remarque-là. Et donc, Allah réfute cette remarque en disant que le tout miséricordieux fait partie de ses noms. Et lui-même, Allah, Jalla wa'ala, est le tout miséricordieux. Et on peut voir dans un autre récit que les polythéistes à l'époque, les polythéistes arabes, ne voulaient pas reconnaître ce nom d'Allah, Jalla wa'ala. Il nous est même dit dans une histoire, rappelez-vous le célèbre événement qui s'est produit à Al-Hudaybiyah, ce qu'on appelle Al-Hudaybiyah, lorsqu'il y a eu un pacte entre le prophète, alayhi salatu wassalam, et cela s'est produit après l'émigration. Et donc, s'est produit un pacte, un sulh, une trêve, en quelque sorte, entre le prophète, alayhi salatu wassalam, et les polythéistes arabes. Les polythéistes arabes qui étaient à la Mecque. Et ça, c'était avant même la conquête de la Mecque, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Alors, à un moment, lorsque ils étaient en train d'écrire les clauses et les conditions de cette trêve, alors le prophète alayhi salatu wa sallam avait demandé qu'on note au nom d'Allah, qu'on écrive au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qu'on écrive Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Et là, le polythéiste, polythéistes avec qui les associateurs arabes avec qui le prophète Sansam faisait cette trêve, alors ils ont refusé. Ils ont refusé. Eux, ils connaissaient Allah, mais ils ont dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, ça on ne connaît pas. Ils ont dit Ar-Rahman, le tout miséricordieux, on ne connaît pas. On ne connaît pas cela. Donc regardez, ça prouve aussi qu'ils réfutaient cela et ne reconnaissaient pas le nom d'Allah Jalla wa'ala, Ar-Rahman, que Allah Jalla wa'ala était le tout miséricordieux. Et on a même aussi dans un verset du Coran, un verset du Coran qui illustre cela, puisque dans un verset, Allah Jalla wa'ala dit, et dis-leur de se prosterner pour le tout miséricordieux. Et dis-leur, et ou plutôt le verset dit, traduction relative, et s'il leur est dit de se prosterner pour le tout miséricordieux. Et là, dans le verset, il nous est dit que eux refusaient de se prosterner pour le tout miséricordieux, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissaient pas le tout miséricordieux étant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va continuer, inshallah. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne l'explication de ce verset. Et ensuite, donc après avoir mentionné l'imam al-Bukhari, rahimahullah, en intitulé de ce chapitre, ce verset, ensuite là il va nous mentionner le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, célèbre, qui nous est rapporté par le compagnon Jalil ibn Abdillah, où le prophète Sassam dit, Allah ne fera pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux gens. Donc maintenant, ici, on va parler de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que le paradis est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens rentreront par la miséricorde d'Allah jalla wa ala dans les paradis, dans le paradis, dans cette immense récompense. Et c'est pour cela que les habitants de ce paradis, ce sont des gens qui étaient cléments sur terre et qui étaient miséricordieux. Et ça, c'est très important à le savoir. Donc, Allah Jalla wa'ala nous informe qu'il est le tout miséricordieux. Et donc, cela implique qu'il va faire miséricorde et qu'il fait miséricorde aux gens, subhanahu wa ta'ala. Et sa miséricorde n'est point comparable à la miséricorde des êtres. Si on observe la miséricorde des gens sur terre, la miséricorde de la mère envers son enfant, la miséricorde des parents envers ses enfants, la miséricorde de l'enfant envers ses parents et autres, cette miséricorde est incomparable avec celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on dit Allah, il est le tout miséricordieux, c'est quelque chose qu'il faut vraiment méditer et sachez que rien n'est semblable à Allah. Et rien ne peut faire miséricorde comme Allah Jalla wa ala va faire miséricorde à ses serviteurs et ses créatures. C'est pour cela que juste le fait de dire Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le clément, le très miséricordieux, juste le fait de méditer cela et de méditer, d'essayer de comprendre quel est le sens que Allah Jalla wa'ala est le tout miséricordieux, vous allez voir que sa miséricorde est immense et infinie. Et ça donne de l'espoir aux musulmans, aux croyants et à la croyante. Lorsqu'ils adorent Allah, ils adorent Allah par espoir. C'est pour ça qu'il y a une notion très importante à savoir. C'est que les savants nous enseignent que le musulman doit toujours adorer Allah, Jalla wa'ala, avec espoir, crainte et crainte. Et il doit toujours équilibrer entre ces deux choses, entre l'espoir et la crainte. C'est-à-dire que lorsqu'on adore Allah, Jalla wa'ala, on espère sa miséricorde, on espère sa récompense, on espère sa rétribution. Et aussi, lorsqu'on l'adore aussi, on l'adore par crainte de sa colère, de son mécontentement, de son châtiment. Et le musulman doit toujours équilibrer entre ces deux choses-là, entre l'espérance et la crainte. Entre l'espérance et la crainte. Et ça, c'est quelque chose d'important. Jusqu'à ce que certains savants ont illustré cela, nous ont donné un exemple pour bien comprendre cela. Ils disent que l'espoir et la crainte, c'est comme deux ailes d'un insecte. Par exemple, la mouche ou autre. Si l'insecte perd une de ses ailes, alors elle ne peut plus voler. Et bien, de même pour le croyant, lorsqu'il adore Allah, il doit adorer Allah avec espoir, en espérant sa récompense, en espérant sa rétribution, en espérant sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et il doit adorer Allah, Jalla wa ala, avec crainte, avec peur de sa colère, de son châtiment. Et on doit toujours équilibrer entre les deux, comme on a dit, à l'exemple de deux ailes d'un insecte. Pourquoi? Parce que celui qui ne va adorer Allah qu'avec espoir, et ça, c'est à l'exemple, par exemple, beaucoup à l'heure actuelle qui disent, et beaucoup ont été trompés, dupés par cette parole, beaucoup qui disent, par exemple, la foi, c'est dans le cœur, et l'islam, c'est dans le cœur, la religion, c'est dans le cœur. Donc pour eux, donc, ils n'accordent aucune importance aux actions. Et donc, ils se permettent tout, d'accomplir toute forme d'interdit, et ils nous disent que Allah, c'est miséricorde, Allah, c'est amour, et Allah fera miséricorde, et c'est pour cela qu'ils ne parlent que de l'aspect de l'espoir, espérant la miséricorde d'Allah. Donc, nous disons que Naam, Allah est le tout miséricordieux. Comme on va l'apprendre dans ce chapitre-là, Allah fait miséricorde à ses créatures, il faut espérer cela. Par contre, Allah aussi, ce qu'il faut savoir, il ne faut pas mentir aux gens. Comme on dit en termes familiers, il ne faut pas se raconter des bobards, il ne faut pas mentir aux gens. Allah aussi est dur en châtiment. Et Allah aussi peut se mettre en colère. Il est rapporté que le jour de la rétribution, le jour du grand rassemblement, Allah se mettra en colère comme jamais il ne s'est mis en colère, comme il nous a rapporté dans des récits authentiques. Donc ça, il ne faut pas le cacher aux gens. Donc Allah, Jalla wa ala, n'aime pas qu'on lui désobéisse. Et il n'agrée pas, il n'accepte pas la désobéissance. Mais Allah, bien sûr, est le grand pardonneur et le grand miséricordieux. Mais qui est-ce qui nous dit? Qui est-ce qui te dit que lorsque toi tu as commis ton péché, Allah t'a pardonné? Est-ce qu'une révélation t'est descendue pour te dire que toi tu peux commettre les actes de désobéissance, tu peux commettre ce que tu veux, Allah te pardonnera tout? Qui est-ce qui t'a révélé cela? Donc c'est pour cela qu'il est important que lorsqu'on commet un acte de désobéissance, on se repentit à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est ça qui nous garantit qu'Allah nous pardonne, c'est le repentir, le fait de lui demander pardon. Mais une personne qui ne demande pas pardon, parce que cette parole de dire que l'islam c'est dans le cœur et la religion c'est dans le cœur de toute manière, l'important c'est le cœur et n'accorde aucune importance aux actions, alors cette parole-là et cette conviction-là, cette croyance-là ne va pas pousser et inciter l'individu à demander pardon. Parce que la demande de pardon c'est une action. Lui va dire de toute manière, Allah est amour et miséricordieux, donc la foi c'est dans le cœur et lorsqu'il va commettre une faute, il va minimiser et dévaloriser cela, et de ce fait, ça ne va pas l'appeler et l'inciter à demander pardon et à implorer l'absolution de ses fautes. Et c'est pour ça que cette croyance est grave, et il faut faire attention. Et c'est comme cela que beaucoup de communautés précédentes, eh ben, ont dévié de leur religion et sont sorties carrément de leur religion du fait qu'ils ne la pratiquent plus, puisqu'on leur a dit, la religion, c'est chez vous, la religion, c'est dans le cœur, alors que le fait d'espérer, le fait d'avoir l'espoir en la miséricorde d'Allah et qu'Allah est le miséricordieux, naram. Effectivement, Allah est le tout le miséricordieux. Mais il faut comprendre que ça, c'est. On adore Allah par cela. Mais aussi, il y a un autre point qu'il faut prendre en considération, c'est la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est adorer Allah avec espoir, bien sûr, mais avec crainte. Craindre le châtiment de son Seigneur, craindre la colère de son Seigneur, craindre sa punition, craindre son mécontentement. Et ce qui prouve le mécontentement, par exemple, regardez le hadith qu'on a cité dans une précédente allocution lorsqu'on a dit que l'ampleur de la récompense va avec l'ampleur de l'épreuve. Donc plus l'épreuve est grande, plus les gens seront récompensés par Allah. Et lorsqu'Allah aime un peuple, il éprouve. Et qu'est-ce que nous dit le prophète sallam lorsqu'il dit « Inna Allah ta'ala idha habba qawman ibtala » il nous dit « Faman radiya falahu rida » que celui qui accepte, il aura la satisfaction d'Allah « Wa man safita falahu sukht » et celui qui se mécontente, il aura le mécontentement. Allah peut se mécontenter, se mettre en colère, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les grands savants de l'islam nous ont bien enseigné que lorsqu'on adore Allah, on adore Allah avec espoir de sa miséricorde, de son pardon, et bien sûr avec crainte de sa punition. On craint aussi la punition de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, on l'adore avec amour, on l'adore avec espoir, on l'adore avec crainte. Il faut toujours équilibrer entre cela. Donc, il ne faut pas aussi aller à l'extrême quand le premier extrême, comme le premier extrême, on a dit, il y a un premier extrême qui est le fait de n'adorer Allah qu'avec espoir, en espérant sa récompense. Et on avait illustré cela avec cet exemple, ceux qui disent que l'islam, c'est dans le cœur et la foi, c'est dans le cœur, ils n'accordent aucune importance à la mise en application des bonnes œuvres. Et faites attention, donc ça c'est un extrême, à un autre extrême qui serait d'adorer Allah qu'avec crainte. Qu'avec crainte. Et avec peur. Et c'est ça qui a fait sombrer beaucoup de personnes dans des formes d'extrémisme. Dans des formes d'extrémisme. Donc, ces deux extrêmes, ces deux opposés sont des formes d'extrémisme. Aussi bien le fait de dire qu'il n'y a que espoir et amour, et aussi bien le fait de dire qu'il n'y a que crainte. C'est pour ça que vous comprenez maintenant, lorsque les grands savants de l'islam disent qu'il faut équilibrer entre les deux. Il y a la crainte, il y a l'espoir. Et donc, Allah, on ne l'adore pas qu'avec crainte et peur de la punition. Eh bien aussi, on ne l'adore pas qu'avec espoir seulement, mais on l'adore avec ces deux sentiments-là, avec ces deux sentiments qui sont deux adorations qui sont considérées comme les adorations du cœur. C'est des adorations qui sont des adorations du cœur, puisqu'il y a des adorations qui sont des adorations des membres qu'on fait avec le corps, et des adorations qui sont des adorations du cœur. Et c'est pour ça qu'il est très important. Donc comme on a dit précédemment, on adore Allah avec espoir et crainte. Et dans ce chapitre, on va apprendre à avoir espoir en la miséricorde d'Allah. On va apprendre qu'Allah vraiment est le miséricordieux. Et comme on a dit précédemment, si vous commettez un péché, vous vous repentez à Allah, vous demandez le pardon, Allah vous pardonne. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que parmi les plus grandes adorations légiférées dans notre religion, dans la religion, c'est la demande de pardon. Allah aime qu'on implore l'absolution de nos fautes et nos péchés. Allah, lorsqu'on commet un péché, quel que soit le péché, si on lui demande pardon, il le pardonne. C'est pour ça qu'il ne faut jamais remettre à demain la demande de pardon. Lorsqu'on a commis une faute, on demande à Allah Jalla l'absolution de cette faute, qu'il nous pardonne cette faute et Allah pardonne. Il nous pardonne cette faute. Et c'est ça qu'on va essayer d'apprendre à travers ce chapitre, c'est vraiment l'immensité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui suivent le commentaire du grand savant Cheikh Ibn Al-Uthaymeen avec nous, donc vous avez vu les passages un peu techniques, on les passe, et donc on s'appuie sur des passages qui sont un peu simples pour l'explication. Et revenons à la page 66, donc Cheikh ici, Ibn Al-Uthaymeen, dans son commentaire, il va nous citer un récit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, dans un hadith, le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous dit que celui qui connaît Allah dans l'aisance, Allah le connaîtra dans la difficulté. Donc là, je vous les traduis littéralement. Que celui qui était dans l'aisance, c'est-à-dire celui que lorsqu'il prospérait, lorsqu'il était bien dans sa vie, lorsqu'il était dans l'aisance, lorsqu'il était dans un bien, il avait la facilité dans cette vie, lorsqu'il était bien tout simplement, s'il connaissait son Seigneur, il reconnaissait son Seigneur, Allah le reconnaîtra lorsqu'il sera dans la difficulté. Et ça, c'est un hadith qui nous dénote ici la miséricorde et la bonté d'Allah. Regardez. Et ceux qui, par exemple, lorsqu'ils étaient dans l'aisance, ils étaient bien. Ils étaient dans une bonne situation. Ils vivaient bien. Et malgré cela, qu'ils étaient dans une bonne situation et qu'ils vivaient bien, ils prospéraient, eh bien, ils connaissaient leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours dans l'adoration d'Allah et ils donnaient, ils faisaient, ils accomplissaient, hein, ils observaient les devoirs qu'ils avaient envers leur Seigneur. Alors le jour qu'ils se retrouveront dans la difficulté, le prophète sallam dit que Allah Jalla wa Ala les connaîtra. Ici, les connaîtra, moi je vous les traduis littéralement, mais il faut comprendre dans son sens en arabe maintenant. Je vous les traduis littéralement en arabe, mais son sens, qu'est-ce que cela veut dire? Shir nous explique que Al-Muradu bi-dhalik, lazimuha wa hunak, wa huna annaka ida ta'arrafta ila Allah Jalla wa Ala, li'anna al-hadith yaqul, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والمعنى هذا المراد بذلك لازمها هو أنك إذا تعرفت إلى الله في الرخاء فإن الله يرأف بك في حال الشدة. يرأف بك في حال الشدة. وكم من إنسان لم ينقذه من شدته إلا معرفته لربه تعالى في الرخاء. وقال: وحدثنا من نثق به أنه في زمن نقل البضائع على الإبل قبل وجود السيارات انقطع به السفر في الدهنة، والدهنة ليس فيها ماء في ذلك الوقت، وأنه نام على عطش شديد وجوع، فرأى في المنام أن رجلا جاء إليه بقدح من لبن وشربه، فقام فشرب من هذا القدح من هذا اللبن، فقام من هذا النوم نشيطا شبعان رأيان، وقال: إن القدح الذي جيء به إلي في المنام مثل القدح الذي كنت أسقي به عجوزا لنا من جيراننا. سبحان الله. يقول: هو هذا مما ساقه الحديث، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Donc dans l'explication de ce hadith qu'on vient de mentionner, le grand savant Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit, donc le prophète Sansam dit, Ta'arraf ilallah, connais ton Seigneur dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. Comment il faut comprendre cela? Le fait que le prophète nous enjoint à reconnaître, à connaître Allah lorsqu'on est dans l'aisance et dans la facilité. Alors il dit qu'Allah Jalla wa Ala te connaîtra dans la difficulté. C'est dans le sens qu'Allah sera compatissant et clément. Il aura pitié de toi dans la difficulté. Donc il va te trouver une issue. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit que le sens de Ya'rifka fi ash-shidda dans le sens Ya'rafu bika fi hal ash-shidda. C'est-à-dire que lorsque tu seras dans la difficulté, Allah Jalla wa Ala sera compatissant envers toi. Il aura pitié de toi, en quelque sorte, traduction relative, et il sera clément envers toi. Et regardez par exemple, combien de gens, ils connaissent la facilité. Ils ont une belle vie, par exemple, parfois, ils sont dans des périodes, parce que c'est des périodes. Dans la vie, il y a des épreuves. Même la personne qui connaît, par exemple, l'aisance, la facilité, la richesse, qui a des biens, il y aura des périodes où il va prospérer, il va être dans l'aisance, et des périodes où il sera dans la difficulté. Et ça, c'est, la vie est comme ça. Il y a de la facilité, il y a de la difficulté, il y a de l'aisance, il y a des épreuves, et comme cela, Allah Jalla wa Ala administre et gère cet univers. Et cela par une grande sagesse de sa part. Allah décrète ce qu'il veut, comme on l'a dit, ça fait partie de notre dogme et de notre croyance. Sauf que, en période, vous êtes dans la facilité, Allah vous a facilité, il y a des périodes où vous êtes bien, et bien, le jour où vous allez connaître une difficulté, vous allez être éprouvé. Alors si lorsque vous étiez bien, ben vous avez reconnu Allah, vous avez donné les droits d'Allah, vous avez adoré Allah comme il se doit, et bien Allah va vous trouver une issue. Et Allah va être clément envers vous pendant cette épreuve. Regardez, et là c'est vraiment en concordance avec notre sujet et avec ce qu'on vit à l'heure actuelle. En période de confinement, en période d'épidémie. Donc ça c'est une épreuve, parmi tant d'autres épreuves. Et ça fait même partie de la signe de la fin des temps. Le prophète ensemble nous avait averti qu'il va venir une période où il y aura des épidémies. Il dit même après ces épidémies-là, dans des récits, il dit qu'il y aura des tremblements de terre. Et donc, et ces épidémies-là se sont même passées à l'époque, comme on avait dit dans les allocutions précédentes, à l'époque, par exemple, des compagnons du prophète, comme on avait dit en l'an 18, de l'Égypte, et après, il y en a eu d'autres. El-Muhim, l'important, c'est qu'il y a des périodes d'épreuves, comme là, les gens sont confinés chez eux. Les gens, certains ont peur. On peur, par exemple, d'être atteint, d'être touché par ce virus. Certains, à cause de cette situation-là, eh ben, ils connaissent des fins de mois très difficiles. Parfois, maintenant, certains, leur situation financière devient difficile. Pourquoi? Parce que certains, parfois, dans certains pays, ils ont perdu leur travail. Donc, ils n'ont plus de salaire. Et cela peut durer, par exemple, 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus, voire moins. On ne sait pas, cela appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, la personne, là, il vit une difficulté. Il est chez lui, il est confiné chez lui, avec ses proches. Il ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être qu'ensuite, il aura des difficultés financières. Donc là, il est dans une difficulté. Et bien là, celui qui, avant cela, avant cette épreuve, et ben, reconnaissait son Seigneur, il était obéissant envers son Seigneur, alors accueillez cette bonne nouvelle qu'Allah, Jalla wa Ala, donc vous délaissera pas. Et Allah sera clément envers lui. Comme vous l'avez reconnu en une période d'aisance, Allah va vous faire miséricorde, être clément envers vous en période de difficulté. C'est pour ça que les récits du prophète, il y a vraiment un réconfort. C'est pour ça qu'on a vu que avec cette épreuve-là, beaucoup, il y a des associations qui ont mis des instances, des permanences plutôt, pour pouvoir avoir accès à des psychologues. Donc ça, pour des gens qui ont des pathologies, qui ont besoin de psychologues, c'est une bonne chose. Mais sinon, pour les musulmans, leur réconfort, n'ont pas besoin de psychologues, puisque leur réconfort, ceux qui n'ont pas des pathologies graves, hein, ceux qui sont pas malades psychologiquement, on parle les musulmans qui sont sains d'esprit, n'ont pas besoin de cela, puisque leur réconfort, ils le retrouvent dans le Coran et dans la Sunna du prophète, alayhi salat wa salam. Regardez ces récits, comment ils nous réconfortent et nous donnent de l'espoir. Le prophète dit, si tu as connu ton Seigneur dans l'aisance, Allah te laissera pas, alors que tu es dans la difficulté. C'est pour cela que, après la difficulté, Allah, dans un verset, nous dit, après la difficulté, il y a toujours la facilité. Et les musulmans, donc ça le réconforte. Et c'est pour ça que Shir, il nous dit que c'est pour ça que beaucoup d'individus, alors qu'ils étaient dans la difficulté, eh ben, ce qui les a sauvés, c'est leur connaissance, c'est leur reconnaissance de leur Seigneur lorsqu'ils étaient dans l'aisance et dans la facilité. Subhanallah. Et ça, c'est vrai que beaucoup de gens qui méditent dans leur vie, ils verront que parfois ils étaient dans des situations vraiment très très compliquées, et Allah Jalla leur a trouvé une issue dont ils ne s'attendraient jamais, ils ne s'attendaient pas. Et Allah trouve toujours une issue. Allah nous facilite. C'est pour cela que il faut y croire. Celui qui y croit en cela, ne vous inquiétez pas. Allah Jalla est avec ses serviteurs. Allah est avec ses serviteurs. Allah, Jalla wa ala, rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Cheikh Ibn Al-Athaymeen ensuite nous relate une histoire, un fait. Il nous dit, une personne dont j'ai confiance m'a raconté une histoire. Et donc là, c'est une histoire que lui rapporte, donc c'est ce grand savant Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Athaymeen qui nous rapporte cette histoire d'une personne dont il avait confiance, qui lui a raconté cette histoire. Il dit, cette histoire s'est produite à l'époque où il n'y avait pas les moyens de transport comme on les a actuellement. Et il disait, c'était à l'époque où les marchandises se transportaient à l'aide ou sur le dos des chameaux. Sur le dos des chameaux. Donc c'est avec les chameaux que les gens transportaient leurs marchandises. Et il n'y avait pas encore ces moyens de transport, les voitures et tout. Il n'y avait pas cela. Donc il dit, un jour, un homme dont il connaît, il faisait confiance, il dit, il lui a raconté, alors qu'un jour qu'il était en voyage, justement, et il arrivait dans une plaine. Donc c'était dans le désert, dans une plaine. Et il dit à un endroit à l'époque où il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Et il dit, celui qui rapporte l'histoire, à un moment donné, il s'est endormi. Et il s'est endormi alors qu'il était assoiffé et affamé. Donc il avait très soif, il avait très faim, il était dans une situation vraiment, vraiment très pénible et difficile. Et il dit, dans cette situation, il n'avait pas d'eau. Il était dans cet endroit où il n'y avait pas d'eau. Et donc, il s'est endormi, assoiffé et affamé. Alors, cet homme, il dit, à un moment donné, dans son sommeil, il a rêvé. Donc, il a vu en rêve un homme qui est venu à lui avec du laban, avec du lait. Avec du lait, qu'on appelle le laban, ce lait spécial, le laban fermenté, laban. Et cet homme est venu dans son rêve avec un récipient de lait. Alors il dit, dans son rêve, il a commencé à boire ce lait. Il a bu ce lait. Et lorsqu'il s'est réveillé, il s'est levé, il dit au Shir, le Shir nous rapporte dans cette histoire que cet homme, ensuite, lorsqu'il s'est réveillé, il a trouvé en lui une motivation, il était nashit, motivé, il a trouvé une énergie, il n'était plus assoiffé, il n'était plus affamé, il s'est vraiment réveillé dans un état. Il était vraiment, il dit, il se décrit dans un état vraiment de bienfait. Donc il avait une énergie, il n'était plus assoiffé, il n'était plus affamé. Et il dit, ce récipient dans lequel lui avait été servi ce laban, ce lait, alors il dit, ce récipient-là, il dit, subhanallah, il dit, je me rappelle un jour, j'avais abreuvé une personne âgée qui avait soif. Je lui avais donné à boire avec le même récipient, ce même récipient dont un jour j'avais donné à boire à une personne qui était âgée et qui avait soif. J'ai vu ce même récipient que j'avais utilisé, c'est ce récipient que j'ai vu dans mon rêve et qui m'a été présenté avec du laban. Et Shir ensuite dit Subhanallah. Il dit, regardez dans cette histoire. Et ça, il dit ça, ça illustre le hadith qu'on a mentionné précédemment, que le prophète Sassam dit, connais ton Seigneur dans l'aisance, Allah te reconnaîtra. Sens relatif ici, c'est littéral, mais la compréhension, c'est qu'Allah te fera clémence et miséricorde dans la difficulté. Et c'est pour ça qu'on a dit précédemment, ça donne de l'espoir. Regardez par exemple, celui qui, avant cette période de confinement, allait à la mosquée, par exemple, pratiquait ses prières à la mosquée. Ou par exemple, celui avant d'être malade, qui priait ses prières à l'heure, qui allait à la mosquée, qui jeûnait, qui faisait des actes d'adoration. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que celui qui faisait des choses alors qu'il était en bonne situation, et ensuite, par exemple, il tombe malade, ou bien il voyage, et bien ce qu'il faisait en état d'aisance, et bien lorsqu'il ne pourra plus le faire, que ce soit lorsqu'il sera en voyage ou bien lorsqu'il sera malade, eh ben ça lui sera inscrit, tout cela lui sera inscrit comme si, comme il les faisait lorsqu'il était dans l'aisance. Regardez par exemple, tous ceux qui sont confinés, et avant ce confinement, c'était des gens par exemple qui allaient prier à la mosquée, c'était des gens par exemple qui faisaient des devoirs, ils accomplissaient leurs devoirs, par exemple le vendredi, ils allaient assister au prêche du vendredi et ils priaient avec le groupe, avec la communauté à la mosquée, eh ben regardez aujourd'hui, avec ce confinement-là, les gens ne peuvent pas assister à la prière du vendredi au prêche du vendredi. Ils ne peuvent pas faire leur prière en commun à la mosquée. Eh bien, ceux qu'ils pratiquaient avant cette période d'épreuve et de difficulté, eh bien, ils ont la même récompense et là, ça leur est inscrit. Lorsqu'on dit que ça leur est inscrit, eh bien, c'est comme si que le vendredi, ils vont faire le prêche. Même s'ils sont confinés chez eux, ils ne peuvent pas y aller du fait que lorsqu'ils étaient dans l'aisance et avant l'épreuve et avant la difficulté, eh ben ils le faisaient. Et ben Allah Jalla wa'ala leur inscrit cela. Et ben en cette période de confinement, ceux qui par exemple allaient à la mosquée pratiquer leur prière obligatoire, eh ben Allah Jalla wa'ala leur inscrit la même récompense. Ils ont la récompense de cela. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que lorsqu'on lit les textes, lorsqu'on lit le Coran, on le médite, lorsqu'on lit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben ça, on trouve du réconfort. On trouve du réconfort et c'est un bien pour le croyant. C'est pour ça que celui qui est miséricordieux, eh ben, ne sera jamais, jamais déçu, ne regrettera jamais cela. C'est pour cela que lorsqu'on parle de miséricorde, et on a dit, et c'est pour ça dans un récit, Allah, le prophète ensemble nous dit, Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, Allah vous fera miséricorde dans les cieux. C'est-à-dire que le prophète nous enjoint à nous aussi d'être bons, d'être avec les gens bienfaisants, d'être bons, d'être miséricordieux. Et si on est bon avec les gens, Allah nous fera bonté. Allah fait miséricorde à ceux qui étaient miséricordieux. C'est pour ça ce qu'on nous a appris lorsqu'on était jeunes, beaucoup de paroles qui se véhiculent, les gens, on leur a appris que c'est le dur qui est bon. Les gens ont inversé les choses et les compréhensions se sont inversées. Auprès d'Allah, ce n'est pas le dur et celui qui est sans pitié, comme on dit, qui est bon et qui est valorisé auprès d'Allah. Mais celui qui est valorisé, c'est celui qui est bon et qui est miséricordieux. Et celui qui fait du bien, que ce soit aux personnes dans la nécessité, que ce soit aux jeunes enfants, que ce soit aux malades, que ce soit à leurs parents, que ce soit à leurs proches, celui qui est bon et qui est miséricordieux, clément envers les gens, Allah Jalla leur fera miséricorde. Et c'est par la miséricorde d'Allah qu'on rentre au paradis. C'est pour ça que ce qu'on nous a appris, que celui qui est valorisé dans certains endroits, c'est celui qui est sans pitié, c'est celui qui est dur, c'est celui qui n'a pas de rahma, c'est celui qui n'a pas de miséricorde, c'est celui qui n'est pas bienfaisant, eh bien tout cela, c'était des tromperies, tout cela, c'est du mensonge, et au contraire, ça, c'est des tromperies et des ruses de Iblis, Shaitan. Shaitan a joué avec les gens, a rusé avec les gens. C'est pour cela que même. Parfois, les gens, dans leur expression, ils disent, regardez un tel, en lui faisant l'éloge, regardez un tel est sans pitié. Qu'est-ce que ça veut dire, il est sans pitié? Si lui est sans pitié avec les gens sur terre, comment Allah Jalla wa'ala, comment lui peut prétendre à la miséricorde d'Allah le jour de la résurrection, le jour où il aura besoin de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala? Celui qui n'a pas de pitié ici-bas, Allah Jalla wa'ala ne lui fera pas pitié, n'aura pas pitié de lui. Pour ça, le prophète nous dit, Irhamu man fil ard, faites miséricorde, ayez pitié. Et soyez compatissants envers ceux qui sont sur terre, Allah sera compatissant envers vous dans les cieux. C'est pour ça, celui qui veut la miséricorde d'Allah, qu'il soit compatissant lui envers les autres. C'est pour ça, toutes ces paroles qu'on nous a apprises lorsqu'on était jeunes, tout ce qui se véhicule, le fait de valoriser ceux qui disent « je ne suis sans pitié », tout ça c'est faux. Et ça, c'est des choses qu'il faut corriger. C'est des choses qu'il faut corriger. Et c'est pour cela que ensuite l'imam al-Bukhari, regardez, il va nous citer un autre hadith. Un autre hadith. Et il dit « Haddathana Abu Nu'man, Haddathana Hamad ibn Zayd, an Asim al-Ahwal ». عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. Donc on va commencer à traduire la première partie du hadith, c'est un long récit. Ensuite on traduit la deuxième partie. Donc dans le prochain hadith que nous mentionne l'imam al-Bukhari, nous apprend, c'est un hadith, un récit qui nous est rapporté du compagnon Usama ibn Zayd, qui nous dit que le messager d'Allah, un jour, l'une de ses filles lui a fait part qu'elle avait un de ses enfants qui était malade et qu'elle craignait la mort pour cet enfant. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, dit à cette personne que l'une de ses filles lui avait envoyée, dis-lui, informe-la que anna lillahi ma akhad. Informe-la que appartient à Allah ce qu'il prend et appartient à Allah ce qu'il donne. Kullu shay'in 'indahu wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Et toute chose auprès d'Allah à un terme bien déterminé. Ensuite, le prophète sallam dit, enjoins-la de patienter et de rechercher la récompense. فأعادت الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أقسمت لتأتينها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام مع سعد ابن عبادة ومعاد ابن جبل فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأن في شن ففاضت عينه فقال له سعد يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عبادي وإنما يرحم الله من عباده الرحباء. Donc ensuite, le prophète, عليه الصلاة والسلام, ensuite, se leva et s'en alla retrouver sa fille, et il était avec deux de ses compagnons, avec des compagnons, parmi eux, il y avait Sa'd ibn Ubada et il y avait Mu'ad ibn Jabal. Lorsqu'on lui a rapporté l'enfant, le petit enfant, alors le prophète, alayhi salatu wassalam, a commencé à verser des larmes. Alors l'un de ses compagnons, Sa'd ibn Ubada, a dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que cela? Et le prophète, alayhi salam, au sujet des larmes, et le prophète, alayhi salam, lui a répondu, c'est la miséricorde qu'Allah met dans le cœur de ses serviteurs. Wa innama yarhamullah. Et certes, Allah fait miséricorde à ses serviteurs qui sont miséricordieux. Donc regardez, dans ce hadith, on va aussi parler, puisqu'on est toujours dans le chapitre lié à la miséricorde. Regardez, Allah, Jalla wa Ala, il met cela dans le cœur de ses serviteurs, la miséricorde. Et Allah va faire miséricorde, comme nous dit le prophète, à ceux qui étaient miséricordieux ici-bas. Et cette miséricorde, c'est celle-ci qui va nous pousser à être bienfaisants, à être bienveillants dans cette vie d'ici-bas, et donc à prendre beaucoup de hasanat. Et on va apprendre dans l'étude, dans la prochaine assise, Inch'Allah, dans la prochaine allocution, Inch'Allah, on expliquera ce hadith. Vous verrez, dans ce hadith, il y a de nombreux enseignements. On va l'expliquer du fait qu'on va parler de la miséricorde, et qu'Allah fait donc miséricorde à ceux qui sont bons. Et donc, ne croyez pas à ces paroles que celui qui est valorisé, c'est celui qui est sans pitié. De même, parfois, beaucoup de gens disent, lorsqu'ils ont fait du bien à des personnes, ensuite ces personnes n'auront pas rendu du bien, ont été ingrates, ils disent à présent, maintenant je serai sans pitié, parce que c'est les sans pitié qui réussissent. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Les sans pitié ne réussissent pas. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont bons. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui font les bonnes actions pour Allah, et ils n'attendent aucun remerciement envers les autres. Ce qu'ils font, c'est pour Allah, Jalla wa Ala. Ils n'attendent aucune rétribution. Regardez l'histoire d'hier qu'on a racontée avec le Fudayl ibn Riyad. Lorsque lui, ensuite, le calife voulait le récompenser de pièces d'or avec une grande somme d'argent, il a refusé cela. Pourquoi? Parce qu'il ne cherchait ni rétribution, ni remerciement. On ne cherche pas les éloges, on ne cherche pas la notoriété, ni les remerciements. Ce qu'on recherche, c'est l'agrément d'Allah. Donc lorsqu'on fait du bien, c'est pas pour que les gens disent de nous qu'on est bienveillant, qu'on est bon, mais c'est pour avoir l'agrément d'Allah. et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faites miséricorde, faites toujours miséricorde, même si les gens sont ingrats, même si les gens ne vous rendent pas du bien. Soyez bons envers eux et Allah jalla wa ala sera bon. Et donc dans la prochaine allocution, inchallah, on expliquera ce hadith qui est immense, puisque aussi on va apprendre la manière de faire les condoléances. Lorsque des personnes ont des défunts dans leur famille, comment faire les condoléances? Le prophète sallam nous a appris la formule, que dire lorsqu'on fait les condoléances. On va parler aussi de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prochaine assise. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Et on demande à Allah jalla wa ala qui nous facilite dans la difficulté, qui facilite à toute la communauté dans cette difficulté. On demande à Allah jalla wa ala de nous accorder sa miséricorde, de nous faire entrer dans les hauts degrés du paradis, de tous nous réunir au paradis le jour du grand rassemblement. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك